الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître est bien-aimé Muhammad et l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس الثامن والعشرين. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète, prière et sage sur lui, avec le cours numéro 28. لا يمكن لمخلوق مهما كانت قوته عظيمة أن يحارب الخالق. Il n'est pas possible pour n'importe quelle créature, même si sa puissance est forte, de combattre le Créateur. أن يحارب الله, de combattre Dieu. من أراد محاربة الله فهو خاسر من البداية, منذ البداية. Celui qui veut combattre Dieu, il sera perdant dès le départ. من أراد محاربة الله فهذا دليل على عظمة جهله لا على عظمة قوته. Celui qui veut combattre Dieu, ceci constitue un argument, une preuve de la puissance de son ignorance et non pas la puissance de sa force. وهذا الذي صار لمشركي مكة. Et c'était la chose qui est arrivée aux associateurs mécois. استعملوا في حربهم ضد الإسلام سياسة السخرية, السخرية والاحتقار. Ils ont utilisé dans leur combat ou dans leur guerre contre l'islam la politique de la moquerie et du mépris. سياسة الجدال والحجج. La politique de la polémique et des arguments. سياسة المفاوضات. La politique des négociations. سياسة الإيذاء والتعذيب. La politique de la persécution et du châtiment et la torture. وكانت النتيجة فشلا صارخا في كل الميادين. Et le résultat fut un échec criant dans tous les domaines. والدليل فرغم الحرب الشرسة التي كان يقوم بها المشركون ضد الإسلام. La preuve, c'est malgré la guerre brutale menée par les associateurs contre l'islam et les musulmans, بقي الناس يدخلون في دين الإسلام رجالا ونساء. Les gens ont continué à entrer en islam, hommes ou femmes, شبانا وشيوخا, des jeunes ou des vieux, أحرارا وعبيدا أو عبيدا, des gens libres ou des gens esclaves. حرب المشركين لم توقفهم. La guerre menée par les associateurs ne les a pas arrêtés. وقوة المشركين لم تخفهم. Et la force des associateurs ne les a pas effrayés. ولكن نور الإسلام جذبهم. Mais plutôt la lumière de l'islam les a attirés. كما ينجذب النحل بجمال الورد. Exactement comme les abeilles qui sont attirées par la beauté des fleurs. وطرد نور الإسلام ظلام الكفر من قلوبهم كما يطرد نور النهار ظلام الليل. Et la lumière de l'islam a chassé l'obscurité de la mécréance de leur cœur, exactement comme la lumière du jour qui chasse l'obscurité de la nuit. هذه هي عظمة الإسلام. Telle est la grandeur de l'islam. فقوة الإسلام أقوى من قوة السيف. La force de l'islam est plus forte que la force de l'épée. سيوف فسيوف الكفار لم تستطع في مكة منع الناس من الدخول في الإسلام. Les épées des mécréants dans la Mecque n'ont pas pu interdire ou empêcher les gens d'entrer dans l'islam. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يستعمل السيف لإرغام الناس على الإسلام. Et dans la Mecque, le prophète, prière et sagerie, n'a pas utilisé l'épée pour contraindre les gens afin qu'ils deviennent musulmans. هذه هي عظمة الإسلام. Telle est la grandeur de l'islam. وهذا هو فشل قريش. Et tel est l'échec de قريش. وأعطي اليوم مثالين على ذلك. Aujourd'hui, je vais donner deux exemples pour concrétiser ce que je viens de dire. واحد في بداية الإسلام, un exemple qui a eu lieu à l'aube de l'islam, au début de l'islam, والثاني بعد هجرة الحبشة, et le deuxième qui a eu lieu après l'égir vers l'Abyssinie. أبدأ بالمثال الأول, je commence par le premier, إسلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. L'islam de Abdullah, fils de Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui. كان عبد الله ابن مسعود راعيا لغنم عقبة بن أبي معيط. عبد الله fils de مسعود fut un berger des brebis de عقبة fils de أبو معيط. وعقبة هذا هو الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce عقبة qui nuisait, qui faisait beaucoup de mal au prophète, prière et sagerie. يرمي فوق ظهره الأوساخ عند سجوده صلى الله عليه وسلم. Comme on l'a vu dans la séance précédente, il posait sur le dos du prophète, prière et salut sur lui, des saletés. وتفل مرة في وجهه صلى الله عليه وسلم. Une fois, il a même craché sur le visage du prophète, prière et salut sur lui, إلى آخره, etc. ذات يوم مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. Une fois, le prophète, le messager de Dieu, prière et sagerie, accompagné d'Abu Bakr, sont passés à côté des brebis de Abdullah, fils de Mas'ud. فقال له صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et sagerie, lui dit, يا غلام, au jeune, هل من لبن, y a-t-il du lait, ça veut dire chez toi? فقال نعم ولكني مؤتمن. Il a répondu oui, mais je suis dépositaire, ça veut dire je ne peux pas vous donner du lait. De qui? De عقبه fils de Abu Mu'ayth. يعني لا يمكن أن أعطيكم من لبن من حليب عقبه ابن أبي معيط. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et sagerie, lui dit, فهل من شات حائل, يعني شات صغيرة, مازال صغيرة, سنتين مثلا أو أقل, هل من شات حائل لم ينزو عليها الفحل, يعني لم يركب عليها الفحل, ما فيها حليب, لم تلد, عندك شات صغيرة ما لم تلد ولا مرة إلى غير ذلك. Il lui a dit, as-tu une petite brebis qui n'est pas âgée, ça veut dire qui n'a été jamais touchée par un mâle, elle n'a pas de petit, elle n'a pas de lait. فأتاه عبد الله بشات. Et عبد الله, fils de Mas'ud, lui a ramené une brebis. فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها. Le prophète, prière et sagerie, lui a essuyé ses mamelles. فنزل اللبن. Et le lait est descendu. فجعله صلى الله عليه وسلم في إناء. Et le prophète, prière et sagerie, lui a mis ou a placé le lait dans un récipient. وشرب عليه الصلاة والسلام, il a bu, prière et salut sur lui, وسقى أبا بكر رضي الله عنه, et il a servi Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, ثم سقى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه, et après il a servi aussi عبد الله fils de مسعود, ça veut dire le berger. ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع, et après le prophète, prière et salut sur lui, a parlé avec les mamelles. قال للضرع اقلص, contractez-vous. Faqala sattarhu bi'idni Allah ta'ala wa tabarak. Et les mamelles se sont contractées grâce à Dieu le Très-Haut. Wa ba'da dhalika ata Abdullah ibn Mas'ud ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, Abdullah fils de Mas'ud est venu voir le messager de Dieu, prière et sagesse. Faqala ya Rasul Allah. Il lui dit, ô messager de Dieu, allimni min hadha al-qawl at-tayyib. Apprends-moi ou enseigne-moi ce langage formidable ou ces paroles excellentes, ça veut dire le Coran, ma'na al-Qur'an, allimni min hadha al-qawl at-tayyib. يعني أسلم صديقي لي devenu musulman. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسه. Et le prophète prière et sagesse lui a essuyé sa tête. وقال, il lui dit, إنك غلام معلم. Tu es un jeune apprenti ou bien tu es un jeune enseigné. C'est fini, ça y est. فلما أسلم عبد الله ابن مسعود بدأ من ساعة الصفر يعمل للإسلام. Et juste après l'islam de Abdullah, fils de Mas'ud, il a démarré, il a commencé à travailler pour l'islam à partir de l'heure zéro. Il ne va pas perdre le temps. Là, ni on paye à l'ouart. Il s'est réuni avec les compagnons des du prophète, prière et salut sur lui. Les compagnons dirent, « Wallahi, ma sami'at Quraishun, hadha al-Qur'ana yujharu laha bihi qat. » Par Dieu, jamais Quraysh n'a entendu quelqu'un qui récite pour elle ce Coran publiquement. فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعْهُمُ. Y a-t-il un homme parmi nous qui peut leur faire entendre ce Coran ? لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَلْغَوْنَ عِنْدَ قِرَاءَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Parce qu'ils criaient, c'est-à-dire les Quraishites, lors de la récitation coranique du prophète, prière et sagesse, et plaçaient leurs mains ou leurs doigts dans les oreilles. فَقَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ. Ibn Mas'ud, ce nouveau musulman, dit, moi. قَالُوا إِنَّا نَخْشَاهُمْ عَلَيْكَ. Ils dirent, on craint pour toi. Ça veut dire leur châtiment pour toi. إِنَّمَا نُرِيدُ رَجُلًا لَهُ عَشِيرًا يَمْنَعُونَهُ مِنَ الْقَوْمِ إِنْ أَرَدُوهُ. Plutôt, on cherche un homme qui a une famille puissante dans la Mecque et qui est musulman, comme ça, il sera défendu par sa famille. قَالَ دَعُونِي فَإِنَّ اللَّهَ سَيَمْنَعُكِ. Il leur dit, laissez-moi, Dieu va me défendre. وَفِي الْغَدْ أَتَى إِبْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكَعْبَةِ. Le lendemain, Ibn Mas'ud est venu vers la Kaaba, وَقُرَيْشْ فِي أَنْدِيَتِهَا. Les Quraishites, les mécréants, les associateurs ont pris place dans leur club à côté de la Kaaba. فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَامَ الْجَمِيعِ بِصَوْتٍ عَالٍ مُرْتَفِعٍ سُورَةَ الرَّحْمَنِ. Et Abdullah, fils de Mas'ud, a récité à haute voix devant tout le monde le chapitre Ar-Rahman, le miséricordieux. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مَاذَا يَقُولُ. Les associateurs dirent, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Par la suite, ils ont compris qu'il est en train de lire, de réciter le Coran de Muhammad, prière et sagesse. Ils se sont levés vers lui. Et ils ont commencé à le frapper sur son visage. Eux, ils frappaient et lui, il récitait encore. Il récitait, malgré que eux, ils étaient en train de frapper et frapper. Thumma ba'da dhalika insarafa ila ashabihi. Et lorsqu'il a fini sa mission, il est parti. Il est revenu voir les compagnons du prophète. Prière et sagesse sur lui. Waqad athara al-mushrikuna fi wajhihi. Et il avait mal dans tout le visage. Faqala as-sahaba. Les compagnons dirent, هَذَا الَّذِي خَشِينَ عَلَيْكَ. C'était ce qu'on craignait pour toi. فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Il dit que Dieu soit satisfait de lui. مَا كَانَ أَعْدَاءُ اللَّهُ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْهُمُ الْآنِ. Les ennemis de Dieu n'étaient jamais plus minables à mes yeux autant qu'aujourd'hui. وَلَئِنْ شِئْتُمْ لَأُغَادِيَنَّهُمْ بِمِثْلِهَا غَدًا. Et si vous voulez, demain je recommencerai. قالوا لا حسبك. Ils dirent, non, ça te suffit. قد أسمعتهم ما يكرهون parce que tu leur as fait entendre ce qu'ils détestent entendre. فكان أول واحد قرأ القرآن أمام المشركين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم et ce fut le premier homme musulman qui a récité le Coran publiquement devant les associateurs à côté de la Kaaba, bien sûr, après le messager de Dieu, prière et salut sur lui. من هو هذا الرجل الذي تحدى قريشا؟ Qui est-il cet homme qui a défié les Quraychites؟ ما هي قوته؟ Quelle a été sa puissance؟ كيف كانت عضلاته؟ Comment étaient ses muscles؟ وكيف كان جسمه؟ Et comment était son corps؟ الجواب, la réponse. كان رضي الله عنه رجلا قصيرا نحيفا رقيقا يكاد il était prière et sage lui un homme de petite taille et il était très maigre يكاد طوال الرجال يوازونه جلوسا وهو قائم les gens de grande taille lorsqu'ils étaient assis avaient presque la même taille que lui leur tête était à la même hauteur que sa tête lorsque lui il était debout. Il avait une petite taille. يعني كانت قامته صغيرة. يقول علي رضي الله عنه. علي que Dieu soit satisfait de lui dit. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يصعد شجرة. Le prophète prière et sage lui une fois il a ordonné au fils de Mas'ud, c'est-à-dire celui-ci Abdullah, de monter sur un arbre. فيأتيه بشيء منها et de lui ramener quelque chose, de lui apporter quelque chose de l'arbre. فنظر الصحابة إلى ضعف ساقيه et les compagnons, ils ont vu sur l'arbre, comment dire, la maigreur de ses jambes. فضحكوا, ils ont ri. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحككم؟ Le prophète prière et sage lui leur dit qu'est-ce qui vous fait rire؟ La رجل عبد الله رجلي عبد الله في الميزان أثقل من أحد غدا يوم القيامة. Uniquement les pieds de Abdullah seront plus lourds que la montagne de Uhud, c'est-à-dire sur la balance de Dieu le jour de la résurrection. رواه الترمذي وأحمد وابن سعد والطبراني rapporté par l'imam الترمذي par l'imam Ahmed et d'autres. هذا هو الرجل الذي مع ضعف جسمه تحدى قريشا بقوة إيمانه. Ce fut l'homme qui, malgré la faiblesse de son corps, a défié Quraysh ou les Quraychites avec la puissance de sa foi. أرأيتم ماذا يصنع الإيمان الحقيقي؟ Avez-vous vu ce que peut faire la vraie foi؟ يرد الضعفاء أقوياء. La vraie foi transforme les faibles en forts. Les gens faibles en gens forts. ويرد الصغار عمالقة. La vraie foi transforme les nains, transforme les petits en géants. هذا الرجل ابن مسعود هو الذي صعد فوق صدر أبي جهل يوم بدر. Cet homme, fils de Mas'ud, Abdullah, fils de Mas'ud, fut l'homme qui est monté sur la poitrine d'Abu Jahl pendant le jour de la bataille de Badr. وأراد قتله. Et il a voulu finir avec lui. فقال له أبو جهل. أبو جهل qui était sur le sol. Lui dit, قال له أبو جهل, لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغدا. Tu es monté vers un grand niveau, vers un niveau très difficile, très élevé, au petit berger de brebis. فلو غير أكار قتلني. فلو غير حراث, أنت حارث, أنت حراث, أنت راعي الغنم, لا يمكن أن تقتلني, لا أريد هذه, يعني مهانة لي أن يقتلني رجل مثلك, لو كان رجل بطل هو الذي قتلني. فلو كان غير أكار هو الذي قتلني. Oh, si c'était un autre non-agriculteur, c'est-à-dire non-berger de brebis qui m'a tué. C'est-à-dire il voulait qu'un champion, un homme brave, qui le tue, mais c'était une humiliation pour lui que lui, Abu Jahl, soit tué par un tel petit homme. Il lui dit, à qui appartient la victoire aujourd'hui? Il lui a dit, la victoire appartient aujourd'hui à Dieu et à son messager. Et après, Ibn Mas'ud lui a coupé la tête. Il a apporté vers le messager de Dieu prière et sa joie. Ô messager de Dieu, tel est l'ennemi de Dieu, Abu Jahl. Il dit prière et sa joie. Tel est le pharaon de cette nation. Hakada intaqam Allah. من قاتل سمية رضوان الله عليها. Ainsi Dieu s'est vengé du tueur pour Sumayya de son tueur Abu Jahl. وإذا كان ابن مسعود أول من قرأ القرآن أمام المشركين. Et si Ibn Mas'ud fut le premier à réciter le Coran devant les associateurs, فجائزته, sa récompense de la part de Dieu, قد آتاه الله القرآن كله فهما وقراءة. Dieu lui a apporté, lui a donné comme cadeau le Coran, comme compréhension et récitation. ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم التي مسحت رأسه. Grâce à la bénédiction de la main du prophète prière et sa joie qui a touché ou qui a essuyé sa tête. فكان يعرف تفسير كل آيات القرآن. Il connaissait l'interprétation, la signification de tous les versets coraniques. فكان من بين أعلم الصحابة. Et il fut parmi les plus savants des compagnons. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قراءته. Le prophète prière et sage lui aimait sa récitation. ويسمعها حتى يبكي. يسمع قراءة ابن مسعود للقرآن حتى يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il écoutait la récitation coranique de Ibn Mas'ud jusqu'au point que le prophète pleurait. رواه البخاري, rapporté par l'imam البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم. Et il a dit prophète et prière sur lui, من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل, يعني كما قاله جبريل عليه السلام, غضا طريا كما أنزل, فليقرأه على قراءة ابن أم عبد, يعني عبد الله ابن مسعود. Celui qui veut lire, qui veut réciter le Coran, une récitation fraîche, exactement comme le Coran a été révélé, il n'a qu'à le réciter ou le lire exactement comme le fait عبد الله ابن مسعود. رواه ابن ماجه أو والإمام أحمد, rapporté par الإمام ابن ماجه et الإمام أحمد. وهكذا صار ابن مسعود معلما للقرآن بإجازة من النبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi ابن مسعود est devenu un maître, un enseignant du Coran, licencié ou agréé par le prophète prière et sa joie pendant la vie du prophète prière et sa joie. المثال الثاني إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Le deuxième exemple va être celui de l'islam de Omar, fils de Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. والسؤال, la question qui se pose, كيف يمكن لعمر بن الخطاب أن يسلم؟ Comment est-il possible que Omar, fils de Al-Khattab, devienne musulman? هذا شبه مستحيل. Il s'agit d'une chose presque impossible. وإن أسلم فسيكون إسلامه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. Et dans le cas où Omar devient musulman, ça va être un miracle du prophète prière et sa joie. Parce que c'est impossible qu'il devienne musulman. فعمر كان من سادة مكة. Omar fut l'un des maîtres de la Mecque. وعين سفيرا لقريش عند العرب. Il a été nommé comme ambassadeur des Quraychites chez les Arabes. فكان يفاوض مع قبائل العرب من أجل مصالح القرشيين. Il négociait avec toutes les tribus arabes pour les intérêts des Coréchites. وَكَانَ رَجُلًا قَوِيًّا لَا يَعْرِفُ الْخَوْفِ. Il fut un homme fort qui ne connaissait pas la crainte ou la peur. وَكَانَ عَدُوًا لِلْمُسْلِمِينَ. Et il fut un grand ennemi des musulmans. يُؤْذِيهِمْ بِشِدَّةٍ. Il leur faisait mal avec brutalité. فَكَانَ مَثَلًا يَضْرِبُ جَارِيَةً حَتَّى يَتْعَبْ. Par exemple, il frappait une servante jusqu'au point qu'il devient fatigué. Et après, il l'abandonnait parce qu'il était musulman. Il était musulman. Et une fois il est fatigué, il l'abandonnait, il arrêtait de la frapper. Puis il disait, c'est-à-dire pour la servante, « Inni a'tadhiru ilayk. » Je m'excuse auprès de toi. Wallahi ma taraktuki illa sa'amatan illa malalan. Par Dieu, je n'ai arrêté de te frapper ou je ne t'ai abandonné que par ennui. Wa baqiya hakadha, il est resté ainsi. Hatta ishtaraha Abu Bakr radiyallahu anhu wa harraraha, jusqu'au point que Abu Bakr l'a acheté, c'est-à-dire la servante, et l'a libéré. Hadha huwa Omar wa hadhihi quwwatu. وهذه شدته تل اي عمر تل اي sa puissance et sa dureté الى درجة ان قال احد المسلمين jusqu'au point qu'un musulman a dit والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. Par Dieu, jamais Omar ne devient musulman que le jour où l'âne de son père Al-Khattab le devienne. يعني لا يمكن ابدا. Ça veut dire c'est impossible. فاثنان لا يمكن اسلامهما. Deux ne pouvaient pas devenir musulmans. Abu Jahl et Omar ibn al-Khattab. Abu Jahl, le père de l'ignorance Abu Jahl, et Omar, fils de al-Khattab. ورغم هذا كان في مكة من يؤمن بالمعجزة ويتمنى الخير لهما. Et malgré ceci, il y avait dans la Mecque quelqu'un qui croyait au miracle et qui demandait le bien pour eux, qui souhaitait le bien pour eux. إنه النبي صلى الله عليه وسلم. C'était le prophète, prière et sagesse. فدعا ربه. Il a prié, il a demandé à son Seigneur. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. Ô mon Seigneur, apporte la victoire, la puissance à l'islam grâce au plus aimé à toi de ces deux hommes, bi Omar ibn al-Khattab ou bi Abi Jahl, soit avec Omar, fils de al-Khattab, ou soit par Abu Jahl, fils de Hisham. Rawahu al-Tirmidhi wa Ahmad, rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ahmad. Wa fi riwaya, Allahumma a'izz ad-din bi Omar. Et dans une version, le prophète a dit « Ô mon Seigneur, apporte la puissance à l'islam grâce à Omar. » Rawahu al-Hakim wa ibn Majah, rapporté par al-Hakim et fils de Majah. « Wa ba'da hijrat al-Habash al-Oula » Après la première hijra de l'Abyssinie, « Istama'a Omar dhat marra lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salatihi bi janib al-Ka'bah » Une nuit, Omar a écouté le prophète, prière et salut sur lui, dans sa prière, à côté de la Kaaba, et le prophète ne savait pas que Omar était présent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la ya'rif, huwa yusalli, la ya'rif anna Omar yastami' ilayhi, bi janib al-Kaaba. Faqara'a sallallahu alayhi wa sallam surat al-Haqqa. Et le prophète, prière et salut sur lui, dans ses prières, a récité le chapitre 69, al-Haqqa. Qala Omar. Omar dit, فتعجبت من تأليف القرآن. Je me suis étonné de la compilation coranique. فقلت هذا والله شاعر. Et je me suis dit, par Dieu, il s'agit d'un poète. كما قالت قريش, exactement comme ce qu'a dit قريش. فقرأ صلى الله عليه وسلم. Et le prophète, prière et sagesse, a récité dans sa prière, إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يعني الله تعالى وتبارك أراد أن يقول عمر هكذا وأن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وما هو بقول شاعر يا عمر؟ وما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون. Ce sont certainement les paroles d'un noble messager. Ce n'est nullement le langage d'un poète. C'est bien rare que vous croyez. قلت قول كاهن. Je me suis dit par la suite, il s'agit d'un langage de devin. فَقَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي صَلَاتِهِ. Et le prophète prière, juste après ceci, a récité dans sa prière, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ. هو يقول قول كاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ce n'est pas non plus le parler d'un devin. C'est bien rare que vous vous rappeliez. فَوَقَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِ كُلَّ مَوْخَيْ. Et l'islam a pris toute sa place dans mon cœur. C'était le début de Omar avec l'islam. Rawa l'imam Ahmed, rapporté par l'imam Ahmed. ثُمَّنْ طَفَأَ هَذَا النُّورِ. Et par la suite, cette lumière est devenue éteinte dans son cœur. وَعَادَ بِثَأْتِيرِ الشَّيْطَانِ إِلَى غِلْضَتِهِ وَقَسْوَتِهِ. Et par, à cause de l'influence de Satan, il est revenu vers sa dureté et vers sa sévérité. وخرج متقلدا سيفه هذه المرة يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. Il est sorti de chez lui, mais cette fois-ci portant son épée, voulant finir une fois pour toutes avec le prophète, prière et sajouli. فلقيه رجل من المسلمين. Dans son chemin, il a rencontré un homme parmi les musulmans. وكان المسلمون يخفون إسلامهم. Les musulmans cachaient à l'époque leur islam. قال له أين تعمد يا عمر. L'homme musulman dit à Omar, où vas-tu, ô Omar? قال أريد أن أقتل محمدا. Je veux tuer Mohammed. Il a répondu. قال كيف تأمن من بني هاشم. يعني عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تأمن من بني هاشم إن قتلت محمدا. Il lui dit, comment seras-tu en paix ou en sécurité vis-à-vis de la grande famille de Banu Hashim dans le cas où tu tues Mohammed. فقال له عمر. Omar lui dit, ما أراك إلا قد صبرت. Je pense que tu as changé ta religion. وتركت دينك. صبرت بمعنى تركت دينك. ما بقيت على ديني. دين الأصنام. أنت بدلت دينك. قال الرجل أفلا أدلك على العجب يا عمر. L'homme musulman lui dit, veux-tu que je te montre quelque chose d'extraordinaire, ô Omar? Inna ukhtaka wa khatanaka. L'ukht dialku nsibik zawj diala sabawa qad sabawa, yani taraka din abaak wa abaik wa din ajdadik. Il lui dit, ce qui est encore extraordinaire, c'est que ta sœur, c'est-à-dire Fatima, et ton beau-frère Saïd ont quitté ta religion. ترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر غضبانا حتى أتاهما. Omar est parti plein de colère, énervé, jusqu'au moment où il arrive devant leur maison. وهكذا أبعد الرجل المسلم الشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل كان قاصد النبي صلى الله عليه وسلم فصار قاصد أخته. Ainsi, cet homme musulman avec sa sagesse a éloigné le mal du prophète prière et sagesse. Omar qui voulait tuer le prophète, maintenant il va tuer sa sœur. وكان عند أخت عمر فاطمة وزوجها خباب ابن الأرت رضي الله عنه. Et chez ou dans la maison de la sœur de Omar, Fatima, et son beau frère ou son mari Saïd, fils de Zayd, Saïd ibn Zayd, كان عندهما خباب ابن الأرت. Ils avaient chez eux un invité qui est خباب, fils de l'Arat, que Dieu soit satisfait de lui. خباب ابن الأرت هو الحداد الذي أسلم وكان المشركون يعذبونه بالنار. وذكرنا ذلك في حصة ماضية. خباب fut le forgeron qui est devenu un jour musulman et qui a été brûlé vif par le feu par les mains des mécréants. فكان في بيتهما. Il était, خباب était dans leur maison. ومعه صحيفة فيها صورة طه. Il avait avec lui une feuille sur laquelle il y avait le chapitre طه. يعلمها iyahuma. Il était en train de leur apprendre aux deux le chapitre de Taha. Falamma sami'a Khabbab hissa Umar. Lorsque Khabbab, que Dieu soit satisfait de lui, a entendu le bruit des pas de Umar, ikhtaba'a fil bayt. Il s'est caché de crainte dans la maison. Wa satarat Fatimatu as-sahifa. Et Fatima a caché la feuille coranique. Wa kana Umar qad sami'a hina iqtarab min al-bayt qira'at Khabbab. Et Omar, lorsqu'il s'est approché de la maison, a bien entendu la récitation coranique de Khabbab. فلما دخل عمر قال, après son entrée, il a dit, ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم. C'est quoi ce bruit que j'ai entendu, ou cette récitation, cette voix que j'ai entendue dans votre maison? فقال, فقط كنا نتحدث. Ils dirent uniquement, on était en train de converser, on était en train de parler. قال عمر, Omar leur dit, لعلكما قد صبوتما. Peut-être vous avez quitté votre religion. فقال له ختنه يعني نسيبو سعيد ابن زيد. Et son beau-frère سعيد fils de زيد, que Dieu soit satisfait de lui, lui dit, يا عمر, ô Omar, أرأيت إن كان الحق في غير دينك. As-tu vu que si la vérité appartenait ou se trouvait en dehors de ta religion? فوتب عمر على سعيد. Omar sauta sur Saïd. فوطأه وطئا شديدا. Il a écrasé très fort. فجاءت أخته فاطمة فرفعته عن زوجها. Sa sœur Fatima est venue pour l'enlever, pour le soulever du corps de son mari. فلطمها لطمة. Il لui a donné un coup. فدم وجهها. Et son visage a commencé à saigner. فقالت غضبان. Elle dit avec toute colère, Ya Omar, ô Omar, in kan al haqq fi ghayr dinik, et si la vérité se trouvait en dehors de ta religion, ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu. Falamma ya'isa Omar, devant le désespoir d'Omar, wa ra'a dama ukhtihi Nadim, lamma ra'a ad-dam, Nadim, wastahya. Lorsqu'il a vu le sang de sa sœur, il a regretté, il a été saisi par la pudeur, wa qala, et dit, a'touni hadha al-kitab alladhi 'indakum fa aqra'u. Donnez-moi cette feuille coranique que vous avez, je vais la lire. Wa kana qari'an, il était lettré, il savait lire et écrire. Fa qalat ukhtuhu, innaka rajis ya 'Umar. Sa sœur lui dit, tu es impur, ô Omar. وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ. Et le Coran ne peut être touché que par des gens purifiés. فَقُمْ فَغْتَسِلْ. Lève-toi et lave-toi. C'est-à-dire, fais les ablutions. فَقَامَ فَغْتَسَلَ. Il se leva et il se lava. فَثُمَّ أَخَدَ الْكِتَابِ. Et après, il a saisi la feuille. فَقَرَأَ. Il a lu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Faqala, il dit, Asma'un tayyibatun tahira, des noms propres, des noms bons, excellents et purs. Thumma qara'a Taha. Et après, il a commencé à lire le chapitre de Taha, hatta wasala ila al-aya, jusqu'au point d'atteindre le verset, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ما شاء الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. C'est moi Dieu, nul autre Dieu que moi. Adore-moi et célèbre la prière à ma gloire et mon rappel. Faqala, il dit, Ma ahsana hadha al-kalam wa akrama. Combien est belle cette parole et combien elle est noble. Dulluni ala Muhammad. Montrez-moi Muhammad. Indiquez-moi où se trouve محمد أرأيت سيف عمر سقط أمام نور القرآن Avez-vous vu l'épée de Omar est bien tombée devant la lumière du Coran. فَلَمَّا سَمِعَ خَبَّابُ عُمَرَ Lorsque Khabbab a entendu la parole de Omar, خَرَجَ مِنْ مَخْبَئِهِ Il est venu de sa cachette وَقَالَ أَبْشِرْ يَا عُمَرَ Il lui dit, je t'annonce une bonne nouvelle, ô Omar, فَإِنِّي أَرْجُو أن تكون دعوة الرسول يعني قد أصابتك Je souhaite que la prière que ce soit la prière du prophète prière et sur lui c'est-à-dire qu'il t'a touché لما قال lorsqu'il a dit اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل lorsqu'il a dit prière et sur lui Oh mon Seigneur apporte ta victoire à l'islam grâce à Omar fils de Khattab ou bien à Abu Jahl ثم نعتوا له الدار يبقي lui ont décrit la maison dans laquelle se trouvait le prophète prière et sur lui التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر سيفه عمر a pris son épée وذهب إلى تلك الدار il est parti vers cette maison فضرب الباب il a frappé la porte il n'a pas toqué mais frappé carrément فقام رجل ينظر من خلال الباب un homme se leva parmi les musulmans pour voir à travers le trou de la porte, فَرَأَ عُمَرَ حَامِلًا سَيْفَهُ Il a vu Omar portant son épée. فَأَخْبَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Il a informé le prophète prière et sa souris, فَقَالَ حَمْزَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَكُمْ حَمْزَ كَانْ أَسْلَمْ مُنْدُ ثَلَاثَ أَيَّامْ تَقْرِيبًا Et Hamza dit, qu'est-ce qu'il y a ? Et Hamza est devenu musulman à peu près depuis trois jours. مَا لَكُمْ Qu'est-ce que vous avez ? قالوا عمر حاملا سيفه ils ont dit Omar portant son épée قال حمزه رضوان الله عليه حمزه que Dieu soit satisfait de lui dit افتحوا له الباب ouvrez pour lui la porte ان جاء يريد خيرا بدلناه لا اعطيناه الخير s'il vient pour chercher du bien on le lui donne وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه et s'il cherche du mal on va le tuer avec son propre épée avec sa propre épée. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فلقيه في حجرة. Le prophète prière et sur lui se dirigea pour rencontrer Omar et il l'a trouvé dans une pièce. Ils se sont croisés dans une pièce. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع ثوب عمر. Le prophète prière et sur lui a saisi Omar de ses habits. ثم جبده بشدة. Et après il l'a tiré avec brutalité, avec force, vers lui. وقال صلى الله عليه وسلم. Et le prophète prière et sage lui dit, أما تنتهي يا عمر, ô Omar, est-ce que tu ne veux pas finir حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال. Est-ce que tu ne veux pas finir jusqu'à ce que Dieu abatte sur toi l'humiliation et le châtiment Allahumma hada Omar ibn al-Khattab ô mon seigneur voici Omar fils de al-Khattab Allahumma a'izz al-islam bi Omar ibn al-Khattab ô mon seigneur apporte la victoire et la puissance à l'islam grâce à Omar fils de al-Khattab faqala Omar et Omar dit ashhadu an la ilaha illallah j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu wa ashhadu annaka rasulullah et j'atteste que tu es le messager de Dieu fakabbara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le prophète prière et sage a dit Allahu akbar wa kabbara al-muslimuna takbira sami'aha ahlul masjid et les musulmans derrière le prophète ont dit avec une même voix ont crié avec une même voix Allahu akbar jusqu'au point que les gens qui étaient à la mosquée ont entendu leur cri. Innaha mu'jizatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tel est le miracle du prophète prière et sage. Innaha barakat du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi fadli Allah ta'ala wa tabarak al-mustahil yusbih mumkin grâce à la bénédiction de la prière du prophète prière et sur lui et grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala l'impossible devient possible wa mubashara ba'da islamihi sara insanan akhar ridwanullah alayhi et juste après son islam il s'est transformé en un autre homme لن يضيع الوقت. Il ne va pas perdre le temps. سيعمل الآن لصالح الإسلام. Maintenant il va travailler, il va œuvrer en faveur de l'Islam. قال عمر. عمر dit. لما أسلمت. Lorsque je suis devenu musulman. تذكرت أي أهل مكة أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Une fois je suis devenu musulman, j'ai réfléchi. Qui est le plus grand ennemi dans la Mecque au messager de Dieu, prière et sagesse. قلت أبو جهل. Je me suis dit أبو جهل. فذهبت إليه. Je suis parti vers lui. وضربت بابه. J'ai frappé avec un coup sa porte. فخرج إلي. Il est sorti me voir. وقال أهلا وسهلا ما جاء بك. Il me dit sois le bienvenu à toi. Qu'est-ce qui t'a ramené? قلت. Je lui ai dit جئت لأخبرك. Je suis venu pour t'informer. أني قد آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. Je suis venu pour t'informer que j'ai cru en Dieu et en son messager, prière et sagesse. فضرب الباب في وجهي. Et il a claqué la porte à mon visage. وقال قبحك الله. Et il a dit que Dieu te maudisse. وقبح ما جئت به. Et que Dieu maudisse ce que tu as apporté. فقبل أيام تحدى حمزة رضي الله عنه أبا جهل وضربه وأخرج دمه. Juste quelques jours auparavant, Abu Jahl était défié par Hamza, que Dieu soit satisfait de lui, qu'il a frappé et qu'il lui a fait sortir ou faire couler son sang. واليوم يتحداه عمر. Et quelques jours par la suite, voici Omar lui lancer un autre défi. ما أمرها من هزيمة. Quel échec amer pour lui. وبدأت الآلة العمرية تدور. بأقصى سرعة إلى طغي أماري كاكومونسي أتورني أكروند فيتيس. يقول عمر رضي الله عنه أمار كو ديو سو ساتيسفي دو لوي دي حين أسلمت لوسكو جو سوي دوفوني مسلمون. قلت يا رسول الله جي دي أو ميساجي دو ديو ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا إسكون إي با أو إسكون نا با غيزون إسكون إي با سور لو دروا دون لو كا أو أون إي فيفون أو دون لو كا أو أون إي مور. قال بلى. Le prophète dit si. والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. Par celui qui détient ma vie dans sa main, vous êtes ou vous avez raison dans le cas où vous êtes mort ou dans le cas où vous restez vivant. قلت ففيما الاختفاء يا رسول الله. Et j'ai dit pourquoi on se cache donc au messager de Dieu. والذي بعثك بالحق لنخرجن. Par celui qui t'a envoyé par la vérité, on va sortir. C'est-à-dire de la cachette. فَأَخْرَجْنَاهُ فِي صَفَّيْنِ. Et on lui a fait sortir, on l'a fait sortir dans deux rangées. حَمْزَ فِي أَحَدِهِمَا وَأَنَا فِي الْآخَرِ. حَمْزَ était dans une rangée et moi j'étais dans l'autre. حَتَّى دَخَلْنَا الْمَسْجِدِ. Et nous avons marché ensemble jusqu'au point qu'on est entré dans la mosquée. فَنَظَرَتْ إِلَيَّ قُرَيْشُ وَإِلَى حَمْزَ. Et les Quraïchites nous ont vu Hamza et m'ont vu. فَأَصَابَتْهُمْ كَآبَةٌ لَمْ يُصِبْهُمْ مِتْلَهَا. Et ils étaient touchés par une inquiétude inédite. فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَئِذٍ الْفَارُوقُ. Et le prophète, prière et salut sur lui ce jour-ci, m'a nommé le différenciateur, Al-Farouq, qui différencie ou qui distingue le faux du vrai. إِنَّهُ الْإِنْتِصَارُ السلمي الكبير الأول. Telle est la première grande victoire pacifique. تخيلوا فرحة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. Imaginez avec moi la joie du prophète, prière et salut sur lui ce jour-ci. تخيلوا فرحة المسلمين معه في ذلك اليوم. Imaginez la joie des musulmans avec le prophète ce jour-ci. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله fils de Mas'ud dit كان إسلام عمر فتحا. L'islam de Omar fut une conquête. وكانت هجرته نصرا. Et son hégire fut une victoire. وكانت إمارته رحمة. Et son règne fut une clémence et miséricorde. ولقد رأيتنا ما نستطيع أن نصلي عند البيت يعني عند الكعبة. Et j'ai vu qu'on n'arrivait pas, on ne pouvait pas faire la prière à côté de la Kaaba, خوفا من قريش, par crainte de قريش. فلما أسلم عمر lorsque Omar est devenu musulman, qatalahum wahda, il les a combattus, hatta tarakuna fasallayna, jusqu'au point qu'ils nous ont laissés et nous avons fait la prière. Wa hakada tahawwala Omar fi lahda min akbar adou lil islam ila akbar adou lil asnam. Et en un seul instant, Omar s'est transformé à partir d'un grand ennemi de l'islam vers un grand ennemi des idoles. Wa ahabbahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hubban kabiran, le prophète prière et sagesse l'a aimé un grand amour. Fasara sahibahu al-thani ba'da Abi Bakr radiyallahu anhu, il est devenu le deuxième grand ami du prophète juste après Abu Bakr. Hada huwa Umar, tel est Omar, jabbar al-jahiliya wa imlaq al-islam, Omar le titan de la période pré-islamique de la jahiliya et le géant de l'islam. Qala anhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière dit à propos de lui, law kana ba'di nabiyyun la kana Umar ibn al-Khattab, s'il y avait après moi un prophète, ça serait Omar fils de al-Khattab. Rawah al-Bukhari, rapporté par al-Bukhari. Wa atruku Umar radiyallahu anhu yanamu fi qabrihi بجانب صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. Et je vais laisser Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dormir dans sa tombe à côté de ses deux grands amis, le prophète prière et salut sur lui, et Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. لأقوم بهذه الملاحظات, afin que je formule ces deux remarques. الأولى, la première, رغم شدة عمر وكفره لم يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل دعا الله له بالهداية. Malgré la dureté de Omar, malgré sa mécréance forte, le messager de Dieu ne l'a pas maudit et il a fait plutôt une prière en sa faveur afin qu'il soit guidé et orienté vers l'islam. ويجب أن نفعل كذلك, et on doit tous faire ainsi. فكلما رأيت رجلا أو امرأة مسلما أو غير مسلم يقوم بما حرم الله, à chaque fois que tu remarques, tu repères quelqu'un, homme ou femme, musulman ou non musulman, qui accomplit un interdit, فادعو الله له الهداية, prie en sa faveur, prie Dieu en sa faveur, qui sait, peut-être grâce à ta prière, Dieu va le guider vers l'islam. الملاحظة الثانية, la deuxième remarque, رأيت كيف عمل عبد الله ابن مسعود وكيف كان أول قارئ للقرآن. Tu as vu, mon frère ou ma soeur, comment a fait Abdullah fils de Mas'ud et comment il a été le premier récitateur du Coran devant les associateurs, بجانب الكعبة, à côté de la Kaaba. وكيف فعل عمر كان أول من أخرج المسلمين من الخفاء, et comment a-t-il fait aussi Omar, c'était le premier qui a fait sortir les musulmans de la cachette. فأخرج المسلمين فأفرح الاثنان أفرح المسلمين, et les deux ont rendu les musulmans joyeux et heureux. وهبا حياتهما للإسلام, les deux ont offert leur vie à l'islam. وأنت أخي وأنت أختي, et toi frère et toi sœur, ماذا فعلت للإسلام والمسلمين؟ Qu'est-ce que tu as fait pour l'islam? Qu'est-ce que tu as fait pour les musulmans? منذ كم وأنت مسلم؟ Depuis quand tu es musulman؟ فماذا قدمت للإسلام؟ Qu'est-ce que tu as présenté؟ Qu'est-ce que tu as avancé pour l'islam؟ الإسلام بحاجة إليك, l'islam a besoin de toi. هل ستفرح بعملك النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه؟ Vas-tu rendre le prophète prière et salut sur lui heureux exactement comme l'a fait Omar lorsqu'il est devenu musulman؟ هل ستكون مسلما ايجابيا ام تبقى مسلما سلبيا؟ Vas-tu devenir un musulman positif, un musulman actif, ou vas-tu malheureusement rester un musulman passif, inactif, négatif؟ لا يفهم من كلامي الجهاد, on ne doit pas comprendre de mes paroles le jihad. فالجهاد له شروط وقيود, le jihad a bien des conditions et une réglementation et une limitation. والجهاد min haqq sultan, et le jihad reste un droit du sultan. Amma alladhi uridu qawluhu, mais ce que je veux dire, fal islam muhtajun lak fil janib al mali. L'islam a besoin de toi dans le côté financier. اعطي مالك للاسلام، ضل با فورتون على الاسلام. الاسلام محتاج اليك في الجانب السياسي. الاسلام ا بوزوان دو توا دون لو كوتي بوليتيك. الجانب التجاري لو كوتي كوميرسيال. الجانب الصحفي والاعلامي لو كوتي دو بريس. الجانب الكتابي الكتابه الى كتابه الكتب الى غير ذلك لو كوتي كومون دير دو كومبيلاسيون دو ليفر. الجانب الفني لو كوتي كومون دي ارتستيك. الجانب الرياضي لو كوتي سبورتيف. في كل الميادين دون تو لي دومين الاسلام ا بيزوان دو توا. فماذا فعلت؟ كيسك تو افي وماذا تنتظر؟ اي كيسك tu attends wa nas'alullah at-tawfiq, et on demande à Dieu son aide. Wa ila hissatin qadima insha'Allah, il y a une autre séance si Dieu le veut. Allahumma inni da'in fa amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afa wa al-afiyah fi al-din wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma alif ala al-khayr qulubana wa aslih dhata baynina واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب، يا من لا اله الا انت، كما اخترتنا في هذا اليوم وادخلتنا في بيتك المسجد، اللهم اخترنا غدا يوم القيامه وادخلنا الى بيتك الجنه. اللهم يا رب، كما جمعتنا اليوم حول سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا غدا يوم القيامة حول حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نعرف الظمأ بعدها، وأدخلنا معه إلى الجنة بسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، كما جعلتنا اليوم نستمع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا طول حياتنا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغ صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة إلى حبيبنا ومولانا محمد، واحدا واحدا واحدة واحدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وذويه وأهليه الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.